Radio Campus, il est 12h. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour. Il est midi ce 16 mai 2026 et vous apprêtez à écouter sur 106.6 MHz de Radio Campus, mais aussi sur campusim.com et même DAB+, Angle d'attaque. Une émission proposée par les trois comités locaux Attaque de la métropole illoise. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Attaque est une association d'éducation populaire et altermondialiste. Au micro aujourd'hui, Didier, Morgane, Christian et moi-même aux manettes. Et Christian, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Nous avons une émission un peu particulière dans la mesure où ce sont des auditeurs de l'émission qui ont proposé l'émission. Je me tourne vers un certain Christian Veldeman, qu'on va présenter après, qui nous a proposé ça et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Le thème étant, thème favori du bonhomme en question, la démocratie directe. Voilà. Donc, on va essayer de faire un truc assez étendu sur la démocratie directe et on va peut-être parler de l'Apple. Mais d'abord, peut-être, pour mettre tout le monde dans le coup, on va dire ce qu'est une démocratie, tout simplement, et en direct après. Donc une démocratie, tout simplement, on va reprendre simplement la définition de l'encyclopédie universaliste, donc la démocratie, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ça c'était d'Abraham Lincoln. Alors, comme dans tout système politique, le peuple, c'est-à-dire la population des citoyens regroupés dans le cadre d'un territoire, y est gouverné. La spécificité d'un système démocratique est que les gouvernés sont censés être en même temps des gouvernants, donc associés aux principales décisions engageant la vie de la cité. Et c'est parce que le peuple est à la fois sujet, c'est-à-dire soumis au pouvoir politique, et souverain, détenteur de ce pouvoir, que les systèmes démocratiques sont supposés agir dans l'intérêt du peuple. Voilà, donc, ça c'est la définition. On viendra plus tard à la démocratie directe. Donc je vais présenter les deux invités, donc Christian Veldeman et Marc Dubrulle, qui sont deux militants, vieux militants, oserais-je dire, très connus sur la place de Roubaix. Donc ils appartiennent au comité d'attaque Roubaix-Tourcoing. Christian a été notamment animateur sur Campus d'une émission mémorable qui s'appelait « C'est l'heure de le mettre », si je ne m'abuse. Il était co-animateur avec d'autres. Et Marc, depuis quelques temps, s'est investi dans les luttes sur le logement à Roubaix. Et on va commencer peut-être avec ça. Donc, la lutte du quartier de l'Épaule notamment, mais il y avait aussi l'Alma, les Vieux Arbres, enfin des endroits à Roubaix où on voulait pratiquer la gentrification. Et est-ce que tu peux, Marc, rappeler un peu l'histoire du quartier de l'Épaule et de sa transformation ? Au niveau du quartier de l'Épaule, enfin, ça fait déjà depuis plusieurs années que ça dure. Il y a eu un projet de l'ancienne municipalité, un projet de gentrification. Et c'est-à-dire que dans le quartier, la mairie, avec la MEL aussi, avait décidé de démolir toute une série d'immeubles qui sont en bon état, décourés. Des maisons qui sont dans la rue des Augiers et dans la rue de l'Épaule. Et donc c'était une politique qui consistait à chasser les pauvres. Et donc on a créé moi-même je suis directement concerné parce que je suis propriétaire habitant dans une maison qui se trouve dans une courée. Et donc on a créé un collectif anti-démolition Roubaix-Épaule qui se réunissait à peu près tous les mois. On a fait des manifestations, différents événements. Et donc pour l'instant, heureusement, il n'y a encore rien qui est démoli, mais malheureusement, l'affaire n'est pas finie parce que est toujours, même si on a changé de municipalité, notamment en ce qui concerne les bailleurs sociaux, à savoir les sociétés de HLM, LMH et Villogia, ont toujours l'intention de démolir des bâtiments. Et il y a une question d'argent qui est derrière, et donc il faut continuer à lutter et puis à résister et à convaincre la mairie actuelle, qui est bien sûr d'accord, enfin qui s'est présentée pas dans les élections municipales en expliquant qu'elle en s'engageant pour la modification de la modification du projet de soi-disant justement, vous étiez quand même en lutte contre l'ancienne mairie, mais avec la nouvelle, les choses vont s'arranger ou... Mais alors il n'y a pas que la mairie qui est de Roubaix qui est décisionnaire, il y a aussi la MEL qui est décisionnaire, il y a aussi le fait que le projet est déjà engagé. Et ce qui se passe aussi, notamment au niveau des logements sociaux, c'est que il y a aussi la politique de l'ANRU qui pratique des démolitions. Et donc c'est un petit peu là la difficulté. Il faudrait que la mairie actuelle de Roubaix engage un bras de fer contre ce projet-là et interdise toute démolition. Qu'il fasse un petit peu, c'est le sens de notre campagne et c'est aussi le sens d'un regroupement d'associations anti-démolition qui s'appelle Stop Démolition, qui sont pour un moratoire sur toutes les démolitions. D'accord. Et nous, on est pour un moratoire sur toutes les démolitions. Et il y a notamment deux bâtiments dans la Cité Belle qui se trouve, c'est un quartier du HLM qui se trouve dans le sud-ouest de Roubaix, près de Croix. Et aussi un bâtiment qui se trouve dans le quartier de l'Épaule, dans la Cité des Trois Arbres, qui sont toujours menacés de démolition. Et il faut comprendre que les bailleurs sociaux touchent des subventions en démolissant. Et donc, pour eux, c'est un moyen d'établir leur budget. Ils démolissent d'un côté, ils rénovent de l'autre. D'accord. Et ces collectifs, l'organisation de la mobilisation que tu mènes avec d'autres, que ce soit à l'Alma ou à l'Épaule, est-ce que pour toi, ce sont déjà des prémices d'une démocratie directe? Dans la mesure où on se réunissait, le fonctionnement d'un collectif, c'est-à-dire qu'on se réunit et on décide ensemble avec les gens qui sont présents des actions à mener. Dans cette mesure-là, oui, c'est une démocratie directe. D'ailleurs, moi, en tant qu'un des animateurs, je tenais à ce que ça ne devienne pas une association qui se bureaucratise avec un bureau, un président, un ceci, un cela, et puis que les autres membres du collectif se soient laissés de côté. Donc toutes les décisions, on les prenait collectivement avec les gens qui participaient aux réunions, même si c'était... C'est une petite démocratie locale qui ne concerne que les gens qui sont présents, c'est-à-dire au plus le plus grand nombre de personnes, c'était une soixantaine de personnes. Oui, c'est normal. C'est une soixantaine de personnes en réunion, c'est quand même beaucoup pour s'organiser. Oui. Oui, enfin, on n'a pas toujours été 60. Hein. C'était oui, c'est ce dans que le pic. Je pensais. Là maintenant, quand on se réunit, on est une dizaine de personnes. Les premières réunions à la FAL, c'était une soixantaine de personnes. Oui, c'est comme ça, oui. Avec des délibérations en Assemblée Générale, c'était vraiment... Oui. Est-ce que, donc, là, vous portez vos revendications? Alors, on est dans l'ancienne mairie, là, encore. Oui. Hein. Vous portez vos revendications à la mairie, j'imagine. Et c'était stop démolition, c'était... Quelle pression pouvez-vous faire? Ah, mais la pression qu'on peut faire, c'est d'essayer de convaincre l'opinion publique de rassurer les gens qui étaient directement concernés, parce que oui, il y avait quand même un certain fatalisme de la part des gens qui sont concernés, de dire bah oui, mais de toute manière, c'est le pot de fer contre le pot de terre, comme on dit. Le fait aussi que parmi un certain nombre de personnes, notamment des locataires, pour eux, c'était une opportunité pour pouvoir quitter un logement qui était trop exigu. Et puis, il y avait un certain nombre de personnes qui disaient que ça serait peut-être l'occasion de pouvoir déménager, d'autant plus que le déménagement était payé. Donc, c'est pas forcément d'ailleurs... Moi, je pense que les gens les plus touchés par ce genre de politique, c'est plutôt les gens qui ne trouvent pas de logement, les gens qui dorment dehors, ou alors les gens qui habitent dans d'autres logements, qui ne sont pas directement concernés, mais qui ont envie de déménager. Enfin, y a aussi beaucoup de... La crise du logement, ça crée aussi des drames familiaux, des gens qui ne s'entendent pas, qui sont obligés de vivre ensemble, des jeunes qui ne peuvent pas quitter leurs parents, les loyers qui sont hyper chers pour des gens qui gagnent pas grand-chose. C'est surtout ça le problème. Et puis, bien sûr, les milliers de gens qui dorment dehors, les gens qui sont divorcés, qui continuent à vivre ensemble, les violences familiales aussi, c'est tout ça c'est tout ça le drame de la crise du logement. Pardon, est-ce qu'on peut faire un changement de micro parce que ce micro là il fonctionne pas. Le 3 il marche peut-être. Et prendre le 4 plutôt pour vous deux. Ah, parce que voilà. Ils allaient être du direct. Bon, je recommence tout, alors. Non, ça va aller, mais... Non, je crois qu'on a quand même compris. D'accord. Yes. Oui, alors, tu citais des catégories de personnes différentes. On a connu ça, nous, à Lille, les aviateurs, même type de situation. Je reste, je bouge pas, mais après tout, c'est une opportunité pour aller ailleurs dans un autre quartier. Y a ça aussi. Hein. Et donc, comment vous avez catégorisé ou comment vous avez fait? Les personnes n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Et donc, stop démolition, c'est très clair. C'est qu'on essaie de rester, quoi. Mais c'est-à-dire, oui, ah non, stop démolition, c'est-à-dire nous, on a pour principe, il ne faut pas démolir. Alors après, il y a par exemple des gens qui sont locataires, mais ils étaient d'accord avec nous. Et quand on allait voir les gens, on leur disait, mais bien sûr, si vous, votre choix, c'est de partir, c'est un choix tout à fait respectable. On n'était pas contre ça, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et tu as précisé un peu les intentions de la mairie, là. Il y a des informations plus là-dessus, sur ce qu'ils comptent faire au niveau du logement. Enfin, Non, bah, Christian, tu peux répondre. Ce qui se passe, en fait, c'est que la municipalité actuelle, donc qui est quand même élue depuis le 28 mars, hein, c'est donc tout récent, est quand même sur une position de stopper tout ce qui est du domaine des projets qui ont pu être avancés par l'équipe municipale précédente, parce que justement, ces projets se sont faits en dehors de toute concertation, c'est-à-dire en dehors de tout débat, c'est-à-dire en dehors de toute rencontre avec la population. Moi, j'ai été amené à assister à un débat sur le quartier de l'Épaule, parce que je soutenais l'action de celles et ceux qui menaient ce droit à l'habitat, ce droit à loger, donc qui est quand même un des droits essentiels chez nous, dans notre pays, mais c'est le droit, en fait, pour tout citoyen, qu'il soit d'Europe ou d'Asie ou d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Mais le fait est, c'est que la municipalité s'en contrefoutait de ce qui était proposé. Moi, je me rappelle cette soi-disant concertation... Le maire arrive dans une salle où c'est totalement inaudible, avec donc un écran qui est totalement invisible des gens qui sont en situation d'être soit au milieu, soit au fond de la salle. Et donc vous avez non pas un débat, mais une affirmation du maire sur le fait que les choses étaient décidées et qu'il n'était pas question de revenir sur les décisions qu'avaient prises, en fait, quelques technocrates et quelques élus. Tu parles de la réunion du couvent des Clarisses, là. C'est ça, voilà. D'accord. Donc, alors, bon, pourquoi, en fait, il y a la démarche, en fait, et d'un certain nombre d'élus de la nouvelle municipalité et de militants comme Marc ou comme moi, c'est de faire en sorte de dire, il faut changer, donc, je vais prendre un terme qui est utilisé de temps en temps, les paradigmes. Alors, je n'ai jamais su ce que c'était, les paradigmes, mais bref, moi, ma réaction, c'est de dire, il faut changer les choses. Il faut enfin que la population soit concertée, discute élabore des contre-propositions. Il faut quand même se rappeler que sur la ville de Roubaix, il y a une histoire, et pas peu banale, qui est l'histoire du quartier de l'Almagare. Le quartier de l'Almagare, c'est milieu des années 70, 75, si je me trompe pas, 74, 75, 76, où en fait, la population sur ce quartier refuse la démolition des logements, la démolition des courets, et demande à être concertée sur le maintien de ces lieux et le fait de mise en place d'habitat qui soit concerté avec la population. Et de là, naît un mouvement de contestation qui ensuite devient un mouvement de proposition qui est en fait qui est élaboré avec ce qui s'est appelé l'atelier populaire d'urbanisme, voilà, sur le quartier. Alors, avec des choses qui étaient innovantes. Je me rappelle, alors je vais passer des étapes, hein, mais la création, par exemple, d'une régie de quartier. C'est-à-dire qu'en fait, taux de chômage important sur le quartier, et des intellectuels, je ne vais pas le dire autrement, hein, c'est pas forcément des travailleurs au départ, ou des gens d'en bas, entre guillemets, j'aime pas le terme d'en bas. Enfin bref, c'est pas la population, en tout cas, qui est en situation de proposer ça de suite. Mais c'est de créer un atelier donc de travaux immédiats qui est géré par la population. C'est-à-dire, en fait, s'il y a du travail, mais c'est d'abord la population sur place qui est concernée. Donc, c'est d'abord les contrats de travail pour les gens qui sont directement sur le quartier. Mmh. Et de là est né tout un mouvement dans ce pays. Alors, pas uniquement sur Roubaix, tout un mouvement concernant la démocratie locale, comment elle pouvait s'appliquer et donc s'appliquer directement avec les habitants. Et en fait, quand on voit un peu les choses, comment elles se sont passées, je vais donner un exemple. Moi, j'ai travaillé sur un quartier où il y avait un projet aussi de ce type, de régie de quartier. Et c'est un habitant qui avait tout juste son certificat d'études, pour ceux qui se rappellent de ce que c'était, le certificat d'études, c'était le premier diplôme qu'on pouvait avoir à 12, 13 ou 14 ans. C'est un habitant qui vient me voir, qui me dit « tu sais, on pourrait très bien donner du travail aux gens localement. Ben, par exemple, pour le ménage dans les entrées, ce seraient les femmes du quartier qui seraient embauchées. » Le gars, il a jamais lu dans les documents d'urbanisme élaborés par les ministères divers et variés ce que ça pouvait être une régie de quartier. Le gars, il s'est tout simplement dans sa petite tête de petit prolétaire, prolétaire, c'est peut-être un gros mot, voilà, mais de citoyen lambda qui habitait en cité HLM, il s'aperçoit qu'en fait, on peut faire des choses localement. Voilà. Et c'est vrai que ce qui nous anime entre Marc et moi, même si on n'a pas toujours les mêmes définitions, mais ce qui nous anime, c'est de dire comment on peut gérer une ville autrement qu'avec des techniciens ou des technocrates qui vont être en mesure de dire il faut faire comme ça, il n'y a pas d'autre solution. D'accord. Alors, c'est là où le bât blesse, si je peux me permettre, c'est effectivement de passer d'un quartier de la ville à la ville. C'est-à-dire qu'il y a un gap, là, manifestement, qui, dans l'histoire de la démocratie populaire, de ces mouvements qui ont été créés à l'initiative des citoyens, il y a aussi un gap qui est mal franchi. Et qui, de toute façon, s'il n'est pas mal franchi, il y a, en retour, la mairie qui a le pouvoir et que les citoyens n'ont pas. Oui, Marc. Oui. Là, pour parler justement de la démocratie directe, moi, je voudrais poser le problème. La démocratie directe, c'est une alternative à la démocratie telle qu'on l'entend, la démocratie que j'appelle plutôt la démocratie bourgeoise, qui est pas une véritable démocratie. Alors souvent, on fait une alternative entre la démocratie bourgeoise. On dit ce qui est le contraire de la démocratie bourgeoise, c'est la dictature. Et donc, en parlant de démocratie bourgeoise, moi, ce que je voudrais faire, c'est que c'est une autre proposition qui s'oppose pas d'ailleurs. Quand je parle de la démocratie directe, justement, c'est une autre proposition qui ne s'oppose pas d'ailleurs à la démocratie qui est plus formelle. Parce que, bon, là, je pense que c'est quelque chose auquel tiennent les gens, qui est une tradition, qui est des élections qu'on vote une fois tous les 5 ans. Mais ça, ce n'est pas la véritable démocratie, parce que élire quelqu'un, ce n'est pas vraiment voter, c'est donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. D'autant plus que là, il y a des tas de la. la réalité du pouvoir, c'est quand même les gens qui sont riches, c'est les capitalistes qui ont la réalité du pouvoir. Alors, par rapport à ça, justement, je pense que la démocratie directe, c'est plutôt une véritable démocratie. Et moi, je pense que ça, on pourrait déjà, d'ailleurs, elle a déjà existé. C'était pendant les révolutions, notamment pendant la Révolution française, quand il y a eu à Paris les districts et les sections, pendant la Commune de Paris, pendant la Révolution française, la première Révolution française, et pendant la Commune de Paris aussi, où vraiment les gens ils se réunissaient et ils décidaient. Et moi, je pense que notamment dans une ville comme Roubaix, qui a une mairie de gauche, ça serait la possibilité, justement, je pense que pour véritablement donner la parole aux habitants, ce qu'il faudrait faire, et nous, c'est Christian comme moi, on essaye de convaincre la municipalité, les conseillers municipaux, le maire de Roubaix, de faire des réunions de quartier. Et donc il va y avoir des réunions de quartier qui vont commencer au mois de juin. J'espère qu'il y en aura le plus régulièrement possible et que ça sera vraiment la possibilité de faire en sorte que les habitants de Roubaix soient vraiment impliqués dans toutes les décisions de la mairie et puissent y compris d'ailleurs prendre des décisions qui ne sont pas des décisions qui ne sont pas dans le programme tel qu'il avait été prévu, mais qui vont dans l'intérêt de la population. Et ça serait notamment l'occasion peut-être de faire pression pour que justement pour le droit au logement pour tous. Oui, alors c'est une intention magnifique, je pense, et vous avez raison de le faire. Là, je suis certain que le monde entier va regarder Roubaix de près sur cette question-là, au moins sinon le monde, la France. Christian ? Mais, ouais, je pense qu'il faut revenir à la situation que l'on connaît sur la commune. Il y a eu une expérience, il y a très longtemps, où la parole des habitants était donc prise en compte. Ça a été la création des comités de quartier et la mise en place de techniciens à l'écoute et le retour sur les élus. Et c'est une expérience qui est ensuite devenue obsolète, totalement obsolète, liée, je pense, à l'usure du pouvoir, d'une part, et au fait que les élus, comme peut-être tout être humain, en tout cas un certain nombre d'élus de la municipalité actuelle sont quand même sur des dispositions différentes, mais tout être humain, bah, il a le pouvoir, donc il décide. Et ça, il faut absolument qu'on arrive à faire en sorte, nous, c'est-à-dire nous militants de base, entre guillemets, de faire que non, quand on est élu, c'est pour répercuter des décisions qui sont prises à la base. C'est pas pour décider en lieu et place de la base. Et moi, je pense que, enfin, je ne suis pas tout seul, excusez-moi, quand je dis moi, je devrais dire nous, pensons qu'il faut absolument que tous les projets soient débattus et discutés. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé sur la commune, en dehors de l'Épaule, qui est un quartier très populaire, quand je dis très populaire, avec une pauvreté importante. Il y a un quartier qui est totalement différent, c'est le quartier de l'avenue de Lory à Roubaix. La municipalité, alors que c'était son électorat, la municipalité précédente, a décidé absolument en dehors de toute concertation. Résultat, cette avenue a été aménagée, mais de façon totalement imbécile. Il n'y a pas d'autre terme à utiliser. C'est-à-dire que ce sont des technocrates, il n'y a pas d'autre terme à utiliser que technocrates, qui se sont trouvés dans une situation de dire « Nous, on pense que c'est comme ça, et c'est comme ça que ça va se faire. » Sur le fait quand même qu'on part d'un constat, c'est que on n'est pas habitué dans ce pays à ce que la démocratie existe. Je suis, en tout cas, démocratie directe, démocratie à partir de la base. Quand on prend la situation qui est faite sur des décisions qui sont prises, on est dans des situations où, de toute manière, il n'y a jamais de concertation avec celles et ceux qui en sont directement en situation de la subir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat. L'exemple typique de ce qui s'est passé, on décide, enfin pas nous, mais le pouvoir décide de limiter les vitesses sur les routes, mais on ne prévoit pas que les gens puissent utiliser des transports en commun. Donc, il n'y a pas d'augmentation de l'offre de transport en commun. On n'est pas en situation de voir de quelle manière les choses peuvent se faire par rapport au pouvoir d'achat. Lorsque vous êtes en situation d'habiter à 20, 30, 40, 50 kilomètres de votre travail, comment vous faites par rapport à des routes qui sont donc limitées? Mais il y a tout un certain nombre de choses qui auraient dû être vues avec la population qui n'a jamais été vue. Alors, justement, on va peut-être passer à un autre point, là. Je comprends bien l'intention. Ce qui me semble intéressant maintenant de regarder, c'est les moyens que se donnent les élus pour parler au peuple, si je peux dire comme ça, pour reprendre le mot que tu utilises, à savoir les conseils de quartier, à savoir les RIC, grand succès, et puis les conventions citoyennes, ne serait-ce que ça. Comment vous percevez ces méthodes d'adressage des politiques à la population? Mais moi, je pense que on dit aux gens, à juste titre, il faut voter. Bien sûr, il faut faire une campagne pour encourager les gens à voter. Mais je pense qu'il y a une autre campagne qu'il faut faire, c'est d'encourager les gens à se réunir, assister aux réunions. Mais pour que les gens aient envie de voter, il faut que ça ait un sens, hein. Il faut qu'ils aient le sentiment d'être écoutés. Et c'est un petit peu la même chose pour donner aux gens l'envie d'assister à des réunions. Il faut que dans ces réunions-là, eh bien, quand ils assistent à des réunions, que ce ne soit pas une perte de temps, ils soient écoutés et que leur point de vue soit pris en compte. Et ce que j'imagine justement... Alors, les comités de quartier, c'était une obligation légale. Donc, toutes les mairies ont fait des comités de quartier, mais c'est des caricatures de comités de quartier, c'est-à-dire c'est quelques personnes qui se réunissent et qu'on n'écoute pas du tout. Donc, moi, je pense que même le terme de comité de quartier, il a été galvaudé. Donc, moi, je parlerais plutôt d'assemblée de quartier. Est-ce que la façon dont j'imagine les choses, c'est que ces assemblées, elles doivent être le moins contraignantes possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander aux gens un engagement. Si vous venez à la première réunion, il faut venir à la deuxième, etc. Parce que les gens, à ce moment-là, ils vont dire, moi, j'ai autre chose à faire. Ma vie familiale, j'ai mon boulot, j'ai mes hobbies, j'ai pas envie de venir à une réunion où si ça tombe, ça va servir à rien. Donc, sauf les gens qui aiment bien les réunions, les autres ne viendront pas à ces réunions. Je pense qu'il faut pas demander d'engagement aux gens. Il faut leur dire bon voilà, il y a telle réunion, faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible. Donc il y a qu'on fasse une publicité suffisamment efficace de ces réunions pour que les gens y viennent. Trouver le moment. La date qui soit la plus opportune, que les réunions ne soient pas trop longues et que à l'issue de ces réunions les gens ils ont vraiment le sentiment d'être écoutés. Et donc je sais pas, ça c'est aussi quelque chose, il faut la mairie a proposé de faire deux réunions par an. Moi je pense que c'est pas beaucoup, hein, il faudrait peut-être en faire plus, mais après il faut demander aux gens aussi dans le cadre de cette réunion quand est-ce qu'on se revoit. Décider que ce soit l'assemblée qui décide de l'ordre du jour de cette réunion, des problèmes qui seront discutés. Peut-être qu'entre ces deux réunions, on puisse décider qu'il y ait un petit comité qui se réunisse entre deux pour préparer l'ordre du jour, par exemple. Mais je pense que c'est... Donc, pour que les réunions, il faut... faire en sorte qu'elles soient le plus nombreuses possible et qu'elles soient les moins contraignantes possible pour les gens. Voilà. Alors, une question de Didier et Morgane ensuite. Moi, j'ai deux questions qui me paraissent essentielles quand on parle de démocratie directe. C'est d'abord les conditions de la démocratie directe, je veux dire l'information, la formation des citoyens, c'est quand même quelque chose qui me paraît primordial. Et aussi l'échelon auquel peut s'exercer la démocratie directe. D'ailleurs, on parle d'un quartier, on parle d'une ville. Est-ce que ça peut s'étendre à, pourquoi pas, une région, voire un pays? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à deux voix. il faut prendre aussi la mesure des choses. C'est-à-dire que tout le monde parle de démocratie. Le premier lieu où l'individu, l'être humain, est le plus présent, c'est dans une entreprise. Aujourd'hui, dans les entreprises, à part... éventuellement voter pour des délégués du personnel, on est dans quelle situation? C'est-à-dire que les décisions sont principalement prises par les cadres dirigeants. Donc, je pense qu'il faut aussi se mettre dans la tête que les citoyens, je ne vais pas utiliser des termes un peu du type travailleur-travailleuse, mais de toute manière, celles et ceux qui produisent ne sont jamais concertés concernant l'entreprise, la façon dont elle fonctionne. Les seuls exemples que l'on connaît, ce sont les sociétés coopératives ouvrières de production, les SCOP, où effectivement, c'est un homme, une voix. Donc, le fait est, c'est qu'il faut se mettre dans une situation, c'est qu'il faut amener les gens à prendre petit à petit les décisions qui les concernent. Et ce n'est pas toujours le cas. Lorsque vous vous trouvez dans une entreprise, lorsque vous êtes dans une situation de grève, il faut être en situation, par exemple, que chacune et chacun ait la possibilité de s'exprimer. Et ça, c'est exactement la même chose dans les quartiers, dans les villes. Alors, historiquement, si on peut faire ça aussi, on va parler des conseils d'ouvriers et des soviets, qui sont effectivement des lieux de démocratie un peu particuliers. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Marc sur les comités de quartier, parce que les comités de quartier, j'ai l'impression qu'ils n'existent plus beaucoup. J'en connaissais deux à Roubaix qui existaient encore et que Delbar a fermé, au moins un des deux, celui du quartier du Cul-de-Four, qu'on a fréquenté pas mal, Christian et moi, enfin et nous tous d'ailleurs. Et mais il y a cet autre, je sais pas si ça change beaucoup, c'est les conseils de quartier. Ouais, ou en termes de, on voit bien en termes de définition déjà que c'est un truc complètement cloisonné par l'institution en fait. C'est-à-dire, c'est des dispositifs participatifs qui n'ont pas vraiment de statut de contre-pouvoir, sont mis en place à l'initiative du pouvoir exécutif qui définit le cadre, la commande, même la parole citoyenne. Bon, elle est quand même sous la dépendance de l'institution. En plus, faut pouvoir être formé à ça, faut pouvoir être formé à prendre la parole, dans certains cas, on arrive dans la mairie, ça va être des lieux un petit peu monumentaux et tout, ça peut être intimidant également, donc pour le petit citoyen qui arrive, et voilà, comme c'est, tout est dans le cadre d'une commande, bah, au final, c'est très, très, très verrouillé, quoi. C'est d'autant plus verrouillé qu'en fait, comme j'ai été membre du conseil de quartier à Lille, je sais très bien que ma décision ne concernait que le conseil de quartier. Et on ne m'a jamais demandé d'aller à l'extérieur pour travailler avec la population. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui tourne en rond, mais on ne répond pas vraiment à la question de Didier. Je ne me souviens plus quelle était la question. Sur la taille, l'échelon qui est pertinent pour la démocratie directe, est-ce que ça peut se limiter, est-ce que c'est efficace sur un quartier, sur une ville, ou est-ce que ça peut s'étendre, et nous évidemment on le souhaite, à d'autres espaces géographiques. Moi, je pense que c'est une question aussi d'opportunité, hein. C'est une question de d'événements sociaux. On peut parler aussi de démocratie directe, par exemple, pendant le mouvement du 10 septembre. Il y a eu le mouvement Bloquons Tout, oui. Les gens, ils sont réunis, et puis pour organiser, c'est malheureusement un mouvement qui a pas duré très longtemps, mais qui a duré pendant un mois. Les gens se réunissaient, il faut des assemblées générales. D'ailleurs, moi, je pense que quand on parle de formation, il y a une formation aussi des gens, parce que je pense que les gens prennent dans les mouvements sociaux, les gens qui participent à ces mouvements sociaux ont de plus en plus l'habitude de respecter la parole, les prises de parole des uns et des autres, de limiter le temps de parole, de faire en sorte que tout le monde puisse écouter. On se forme un peu sur le tas, quoi. Moi, ouais. je pense qu'il y a une tradition qui se crée à travers différents mouvements, à travers les mouvements aussi, à travers les mouvements des ZAD, où les gens s'organisent pour lutter. Et moi, je pense que ce qui serait le plus pertinent au niveau de la ville de Roubaix, dans la mesure où il y a eu déjà, pas dans la campagne électorale de David Guiraud, il y a eu des réunions de quartier qui ont été organisées où il y avait entre 60 et 130 personnes. C'était organisé c'était des réunions qui se sont faites dans les cinq quartiers de Roubaix. Enfin, une division administrative qui est faite maintenant où il y a cinq quartiers qui existent. Mais pourquoi pas? Moi, je pense que ça correspond à l'histoire de la ville. Et moi, je pense qu'il faudrait faire des assemblées de quartiers dans ces cinq quartiers, réunir les gens, faire en sorte qu'ils soient le plus... Et ça pourrait être aussi un poids, comme par exemple, pour le problème du logement. Là, il y a un conflit entre... d'une part, le gouvernement qui a une politique du logement qui est désastreuse, hein, qui ne donne pas assez d'argent pour construire des logements sociaux et qui favorise la gentrification. Il y a aussi de ce côté-là aussi, il y a la MEL, la gouvernance de la MEL qui est d'accord avec ça pour faire de la gentrification. Et de l'autre côté, il y a une volonté de la population de Roubaix pour justement lutter contre cette gentrification. Et donc, pour que la parole de la municipalité en faveur de la pour lutter contre les démolitions, en faveur de la création du financement de logements sociaux et d'une véritable rénovation, si la municipalité pouvait avoir l'appui de la population organisée dans ces assemblées de quartier, ça serait quelque chose de très efficace moralement et même matériellement très efficace. Ça serait un poids. C'est un poids beaucoup plus considérable que de simplement discuter amicalement avec les différentes institutions, que ce soit le préfet ou bien la présidence de la MEL. Alors, je vais essayer de vous embêter un peu quand même. La question que j'ai entendue, hein, c'est pas de moi, cette histoire intéressante, c'est Geoffroy de la Gagnerie. Peut-être que vous connaissez l'individu, ouais. Mais bon. Il a une idée un peu intéressante. Il dit, de toute façon, Marc, tu en as parlé très vite, démocratie ou dictature. Il dit que ce binôme, il sert à rien. Ouais. Voilà. La dictature, on sait ce que c'est, mais la démocratie, c'est quoi ? C'est nous ? C'est le pouvoir politique installé ? C'est quoi la démocratie ? Est-ce que dans un pays démocrate comme le nôtre, on sait très bien qu'il est interdit de blesser les autres, de les tuer, de les violer ? Mais le pouvoir public, le pouvoir élu, lui, il fait quoi ? C'est pas qu'il tue, c'est qu'il accepte le massacre à Gaza. C'est qu'il accepte ce qui se passe maintenant au bout du monde, mais ce qui se passe chez lui aussi. Il y a des criminels, etc. Donc, dans ce pays-là, on vote pour des gens qui sont au pouvoir et qui, d'une certaine façon, par délégation, font ce qu'on n'a pas le droit de faire en tant qu'individu. Et donc, la question que pose la Gagnerie, c'est est-ce que la démocratie, c'est pas... Enfin, son fin de règne. Est-ce qu'on ne doit pas trouver autre chose ? Alors, simplement, une réponse concernant, en tout cas, les élus de Roubaix, concernant ce que tu cites, Gaza, ou ce qui se passe dans le monde en termes de guerre, de faim des enfants, voilà. Ce sont des gens, enfin, ce sont des militantes et des militants qui sont opposés à la façon dont le monde existe à l'heure actuelle. Ça, c'est une première chose. Sur le fait que c'est quoi la démocratie ? Je pense que c'est sûrement quelque chose qui doit de toute manière être reconstruit. Si elle existe aujourd'hui à travers le vote, et uniquement le vote, il faut faire en sorte que nous, citoyens et citoyennes, sans être forcément tous des marxistes pour le contrôle ouvrier, mais il faut que l'on fasse en sorte que les citoyens et citoyennes décide de la façon dont le monde est en train de se déconstruire. Parce que c'est ça le problème de fond. Lorsqu'on fait encore une publicité sur les vols en avion, que l'on sait que c'est une destruction de la nature, petit à petit, par exemple. Il y a tout un tas de choses. Maintenant, il faut rendre le pouvoir à la population à travers des formes d'organisation différentes du vote tous les 5 ou 6 ans. Pour telle institution, voilà. Nous pensons qu'il faut absolument que les citoyennes et citoyens reprennent leurs affaires en main, parce que sinon, on va se retrouver dans des situations qui deviendront incontrôlables. Morgane, on a parlé vaguement de la démocratie dans l'entreprise. Bon, pour conclure qu'elle n'existe pas, Morgane, tu avais des exemples, par exemple, de... d'économie sociale et solidaire ou qui serait oui, une prémisse. En fait, ce qu'on parlait des SCOP, des SCIC, des AMAP, en fait. Alors, en quoi c'est des tentatives intéressantes, mais est-ce que c'est ce vers quoi doit tendre la démocratie en entreprise et quelles sont les limites, en fait ? Ce sera la dernière question. Ouais. Sur la situation, c'est une des formes possibles. Les SCOP, c'est ultra minoritaire en termes économiques. Les AMAP, c'est pareil. Enfin, sauf erreur, il y en a cinq sur l'île Roubaix-Tourcoing. C'est-à-dire que quand on voit ce que représente le commerce de produits alimentaires de base, hein, les légumes et les fruits, les AMAP sur l'île Roubaix-Tourcoing, c'est voilà. Il y a des régions où c'est beaucoup plus étendu, mais bon. Mais c'est, de toute manière, je pense que c'est à nous à réinventer les choses. À nous, personnes d'un âge un peu avancé, parce qu'on a l'expérience des échecs, mais que c'est aussi aux jeunes générations de le faire. C'est-à-dire que il y a le fait, quand on regarde... moi, j'étais à un débat entre militantes et militants qui s'appelait « Guerre à la guerre ». C'est-à-dire que c'était des jeunes. J'étais un des plus vieux. Il y avait un autre gars que vous connaissez, je ne citerai pas parce qu'il ne m'a pas autorisé à donner son nom, mais c'était des jeunes qui étaient opposés à la guerre. Moi, ça faisait un temps fou que je n'avais pas vu des jeunes de 20, 25, 30 ans en situation de s'opposer à la guerre. Donc je pense que ce monde est à réinventer avec toutes les formes d'orientation qu'il peut y avoir. Les gens qui sont militants verts, entre guillemets, mais pas les technocrates ou pas les politiciens. Non, vert, c'est-à-dire qui veulent une protection effective de l'environnement. Ces gens-là aussi, ils doivent construire le monde en faisant en sorte que des démocraties locales puissent exister. Le grand mouvement contre les bassines, par exemple, c'est quelque chose de typique de ce qu'a été une prise en main par des citoyennes et des citoyens d'un refus du mode de création d'entreprise ou du mode de création de l'économie. Sainte-Soline, par exemple. Oui. Oui, on va conclure là-dessus. On va conclure là-dessus. Très bien. Ouais. Donc, c'est une émission construite avec deux personnes qui luttent à Lille, Marc Dubrulle et puis Christian Veldeman. Pour préparer cette émission, on a vu un certain nombre de livres, dont je vous cite quelques-uns. Pour en finir avec la démocratie participative, de Manon Loisel et de Nicole Rio, c'est paru chez Textuel en 2024. Réanimer la démocratie des assemblées populaires face à l'autoritarisme, de Tristan Rached, qui est le plus intéressant, j'ai trouvé, actuellement. J'ai aussi consulté le 23e volume des œuvres complètes de Lénine, mais j'en parlerai pas plus. Voilà. Sur les soviets. Sur les soviets, oui, effectivement. Voilà. Merci pour cette émission. Merci aussi. Merci. Merci, merci à vous. Merci. En haut de la côte, il y a des tyrans. Maintenant, derrière nous, il y a un volcan. C'est le 99%. C'était la chorale du peuple, le vent de la démocratie. Et donc, vous écoutez bien Radio Campus 106.6, campusil.com et même DAB+. C'est la suite de notre émission Angle d'attaque. Et je vais vous parler de la presse scientifique, hein, car elle est dans un sale état. Déjà, Science et Vie, depuis son rachat en 2026 par Arnoldo Mondadori Editor, propriété de Silvio Berlusconi, avait mal tourné. Mais ça n'a pas rangé les choses quand Reroll Media, vendeur de torchons, a racheté le titre en 2019 et la moitié des journalistes étaient partis de la rédaction pour fonder Epsilon. Et récemment, le magazine pointu d'actualité scientifique La Recherche a été racheté par LVMH avec Science et Avenir. Je me demande ce que LVMH va faire de ce titre. Tout ça pour dire que dans ce paysage, pouvoir s'informer en toute confiance sur l'actualité scientifique, c'est compliqué. Mais j'aimerais vous parler de The Conversation et sa branche française. C'est pour moi de la presse pas pareille. Depuis un an, je suis leur publication et je trouve qu'ils font du très bon travail. C'est un site web de vulgarisation scientifique qui coche toutes les cases du journaliste scientifique sérieux. Leur sous-titre résume tout, l'expertise universitaire, l'exigence journalistique. Pour être publié sur The Conversation, les auteurs doivent être chercheurs ou universitaires dans un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche qui est membre de l'association The Conversation France. L'équipe de rédaction compte 13 journalistes qui vont relire les articles proposés à des fins de correction et amélioration, donc un processus rédactionnel classique. La plupart des grandes universités, instituts et écoles françaises font partie de l'association, dont évidemment l'Université de Lille, où ses chercheurs publient régulièrement sur le site. On peut citer Rémi Lefebvre, qu'on a déjà invité à notre micro et qui sera notre prochain invité le 30 mai. Donc n'hésitez pas, vous pouvez suivre The Conversation via Facebook, Instagram, LinkedIn, Blue Sky, Mastodon, sans oublier les flux RSS. Et comme dirait Défécateur, que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Didier. Alors, on va passer aux informations d'attaque, donc information nationale, le mardi 29 avril, sur l'interception de la flottille de la Liberté pour Gaza. Donc, la flottille a fait l'objet d'une attaque coordonnée alors qu'elle naviguait dans les eaux internationales, brouillage des communications, déploiement massif de drones, menaces armées exercées par des vaisseaux militaires. 22 des 58 bateaux ont été pris d'assaut vers 21h. Les organisations, dont Attaque France, ont condamné avec la plus grande fermeté ces attaques contre des bateaux humanitaires par l'armée israélienne, qui piétine une nouvelle fois le droit international, appelé à des rassemblements de solidarité et exigé de la communauté internationale qu'elle mette fin de toute urgence à l'impunité de l'État israélien pour les crimes commis. Seules des sanctions fortes pourront contraindre cet État au respect des règles, les plus élémentaires du droit international. Encore la Palestine le mardi 12 mai. Appel du collectif national pour une paix juste et durable entre les Palestiniens et les Israéliens. Appel à se mobiliser massivement le 15 et 16 mai. Palestine, 78 ans après 1948, après la Nakba. La Nakba est bien plus qu'un souvenir. Soutenons le peuple palestinien, imposons le droit. La Nakba n'est pas un événement du passé. D'ailleurs, ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, c'est pas une forme de Nakba, c'est un processus continu de dépossession, de déplacement forcé du peuple palestinien, et on peut même dire libanais aujourd'hui, qui se poursuit sous nos yeux encore, aujourd'hui à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et au Liban. Alors on passe à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Donc l'application provisoire est un coup de force inacceptable. Paris ne fait rien. Donc alors qu'une nouvelle étude économique montre que l'accord de libre-échange UE-Mercosur ne produira pas les bienfaits économiques attendus par la Commission européenne. Cet accord est appliqué de façon provisoire depuis le vendredi 1er mai, sans que les filières agricoles les plus fragiles ne soient réellement protégées, et avant même que le Parlement européen ait pu voter sur le fond et que la Cour de justice de l'Union européenne ait rendu son avis sur la conformité avec le droit européen. Donc ça, c'est de la démocratie aussi, indirecte, on va dire. Sans parler de l'entourloupe de Vénérienne. Absolument. Le collectif national dénonce aussi l'exécutif français, avec une opposition plus ferme de la France et sans les revirements multiples d'Emmanuel Macron. Nous n'en serions sans doute pas là. La Pologne seule tente une nouvelle fois de repousser l'application provisoire. La France proteste à Paris, mais ne fait rien à Bruxelles. Mardi 5 mai, action devant Bercy, attaque dénonce les multinationales biberonnées aux aides publiques. Dans le cadre de la campagne « Désarmons les multinationales », ça rime avec « Désarmer les marchés financiers », si ça vous dit quelque chose. Le mardi 5 mai à 8h, sur le parvis du ministère de l'Économie et des Finances, une vingtaine d'activistes d'attaque ont déposé des marionnettes de patrons de multinationales en forme de bébés biberonnés aux aides publiques. Pour cette mise en scène, qui illustre la dépendance des grands groupes à l'argent public, attaque dénonce un système d'aide publique opaque, inefficace, sans contrôle ni contrepartie au bénéfice des multinationales. D'ailleurs, Raphaël Prado, notre porte-parole, en dit « Aujourd'hui, 211 milliards d'argent public sont distribués chaque année sans contrôle, sans évaluation, sans conditionnalité. » Et Yuli Yamamoto, l'autre porte-parole, précise « Les multinationales délocalisent, échappent à l'impôt, polluent et bafouent les droits humains. » Alors le mardi 12 mai, donc, il y a eu un appel à un débat démocratique sur l'utilisation du livret A, ce livret A d'épargne, donc sur le mix énergétique. Emmanuel Macron a annoncé que le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations de la CDC donc, financerait à hauteur de 60% la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires EPR2. Les organisations sanitaires signataires de cet appel, dont Attaque France, dénoncent une décision inacceptable. Rigolez pas, c'est votre pognon. Hein. Au plan local, le 1er mai, eh bien, au matin, participation de l'Association pour la mémoire des morts au travail, l'association qui dépose une gerbe depuis 3 ans maintenant devant le siège de la CPAM. Et je rappelle pour le coup que la France est le pays où il y a le plus de morts, de gens qui sont tués au travail en Europe, environ 2 par jour, sans compter les trajets pour aller chez soi. Donc, cette association pour la mémoire des morts au travail, qui en fait partie, eh bien, la CGT, la LDH, ATTAC en particulier, et pour l'occasion, ce 1er mai, donc c'est à 9h30, donc bien avant le défilé, participent à les politiques suivantes, les députés LFI de première et deuxième circonscription, et étaient là cette fois-ci, Lawaria Adouche, candidate à la municipalité de Lille. Alors, désarmons les multinationales, donc diffusion de tracts visant Total Energy, les profiteurs de guerre. Donc, on a distribué des tracts sur Lille, on va le faire sur Roubaix. Enfin, c'est en train de se faire. Donc, la pollution, évasion fiscale, atteinte aux droits humains et profit de guerre. La liste des critiques visant le groupe est longue. Malgré cela, l'entreprise a perçu au moins 400 millions d'euros d'aide publique en 2024. Et M. Patrick Pouyanné semble dire que de toute façon, on a un champion d'énergie en France, c'est pas la peine de l'emmerder. Oui. Alors le samedi 9 mai, sur le marché des Lames, on a tracté. Ce samedi 16 mai, ici, on a tracté à Sébastopol, à Lille, et on va tracter à Roubaix, donc le lundi 18 mai, au marché du Nouveau-Roubaix. Non, Didier Delinotte n'a pas le don d'ambiguïté. Il était bien au marché ce matin pour distribuer les tracts et à l'émission après. Effectivement, on peut rester actif après une bonne bière. Attaque fait son cinéma, c'était le jeudi 14 mai au cinéma L'Univers. Un documentaire assez remarquable, Le Chant des Vivants. Alors, qui sont ces vivants? C'est celles et ceux des migrants qui ont survécu, au passage de la Méditerranée. Donc, ces gens qui sont essentiellement de subsahariens racontent leur vie. Vous imaginez dans quelles conditions? Quelquefois, ils peuvent pas. Et racontent surtout leur passage. Et on a eu la chance d'avoir comme intervenante après le film la présidente de la CIMADE qui nous a raconté aussi le rôle de la CIMADE. Alors curieusement, le rôle de la CIMADE n'intervient pas, il n'a pas à intervenir, à mettre dans leur discussion les parcours. Il s'interroge que l'origine de la personne qui a parcouru et sa présence ici, parce qu'il ne s'entre pas. Et on a eu un témoin, une femme d'ailleurs, témoin, qui était vraiment très intéressante également, dans le public, qui elle a parlé des mineurs à Lille, comme vous savez, qui vivent dans un petit bois à Lille, sous des tentes, en attendant, maintenant c'est la fin de l'hiver, donc ils ont été dégagés. Alors, pour les fidèles émissions, les fidèles auditeurs de cette émission, les émissions d'Angle d'Attaque, enfin en podcast, via le service Artis, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est Earthis, je crois. H-E-A-R-T-H-I-S, c'est ça ? Donc, l'intérêt du format podcast est la possibilité d'écouter nos émissions sans limite de temps, limitée à 2 semaines pour Radio Campus, et de pouvoir s'abonner à notre flux d'émissions et donc pouvoir les écouter comme bon vous semble. Oui, ça manquait. On était tenu par le mode de fonctionnement de Radio Campus, c'est-à-dire que après cette émission, pendant 2 mois, vous pouvez réécouter l'émission sur le site de Radio Campus. Et ça suppose de connaître un peu le site de Radio Campus, c'est toute une manipulation à faire. Vous allez sur le site de Radio Campus, vous cherchez le jour, lundi, mardi, vous tombez sur samedi, vous descendez sur la liste et vous tombez angle d'attaque et vous cliquez sur replay pour écouter l'émission. La fois prochaine, c'est Rémi Lefebvre, donc. La fois prochaine, nous avons le plaisir d'inviter pour la 3e fois Rémi Lefebvre. Donc le 30 mai, dans le 2 30 semaines. Mai, dans 2 semaines, exactement. Il nous parlera évidemment des élections municipales en France, dans la région, sur la région en particulier, sur la zone de la Mel, et enfin, les conséquences politiques de ces élections municipales, avec comme visée 2027, bien entendu. Et donc, dans un instant, c'est El Barrio Jazz, et à 14h, Cinéma m'était compté avec le magazine des séries. Et donc, c'est la fin de notre émission. Bonne journée à tous. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée à tous, bon week-end, et dans 15 jours. Merci à nos invités. Qui défile aux portes du palais. Faut-il qu'on se méfie alors que le peuple a parlé? Les voilà qui s'arrangent selon leur convenance. Voilà qu'on les dérange, voilà encore qu'ils manigancent. Car c'est un jeu de dupes auquel ils nous convient. Tous ceux qui sortent des urnes doivent convenir à leurs envies. Si nous choisissons mal, ils changeront les règles. Pour qu'ainsi au final leurs mains ne lâchent pas les rênes. Notre maison démocratie. Notre horizon, démocratie. Notre raison, démocratie. On se bat pour la démocratie. Notre maison, démocratie. Notre horizon, démocratie. Notre raison, démocratie. On se bat pour la démocratie. Ils ont le verbe haut et les bonnes manières. Ici Victor Hugo maîtrise la langue de Molière. L'art de la rhétorique dans leurs plus beaux habits. Parle de république et dîne avec les grands lobbies. Devant les caméras tenues par leurs amis, ils nous pointent du doigt et nous recouvrent d'infamie. Mensonges et boniments sont le pain quotidien qu'ils offrent aux pauvres gens avalés et tout ira bien. Notre maison, démocratie. Notre horizon, démocratie. Notre raison, démocratie. On se bat pour la démocratie. Notre maison.